Et à l'instant, c'est le moment où Raymond Poirier est avec nous en studio, qui est chargé de communication à l'Institut Technologie de l'Information et Société. Allô Raymond. Bonjour Tania. On parle encore une fois technologie de l'information et on va se parler de mobilité. Exactement, de mobilité et de mobilité dans la ville également. Il faut dire que c'est un peu un sujet incontournable en fait quand on parle technologie. On en parle et on l'aborde souvent en matière d'évolution des gadgets. Enfin, on a vu avec les différentes versions des téléphones intelligents, les différentes sortes de téléphones intelligents, l'avènement des tablettes également. Avant ça, il y avait eu le portable aussi qui avait pris de plus en plus de place. Ouais. On a vu aussi la grande importance que prend le sans-fil évidemment en lien avec ça. Mais au-delà du gadget, évidemment, ça a des grandes répercussions, notamment dans l'organisation des réseaux en entreprise et de manière très générale dans les villes, dans les commerces, etc. etc. Parce qu'il faut dire qu'en fait, on est face un peu avec le mobile à une révolution qui pourrait être comparable à la montée d'Internet carrément dans les années 90. Donc ça avait amené un changement en fond et en forme de la manière de faire. Eh bien, la mobilité risque d'avoir une répercussion aussi fondamentale. Donc c'est un changement au niveau de l'accessibilité, mais c'est un changement aussi au niveau de la culture, au niveau des habitudes. Donc c'est vraiment majeur et je pense que quand on focus trop, quand on met trop l'emphase sur les gadgets, on perd conscience de l'ampleur de la révolution qu'on est en train de vivre. Mais on peut y penser juste par exemple un café qui offre pas Internet gratuit, on y va pas. C'est plate comme ça, mais on y va pas. Même chose pour un hôtel qui fait payer pour Internet. On fait comme, oh! Et ça, on va y revenir. Je garde ça pour le dessert, tu sais, parce qu'on va revenir avec le sans-fil. Mais même avant de mettre en place, avant d'utiliser le sans-fil, encore faut-il mettre en place les réseaux? Oui, il y a ça. C'est la première phase, c'est la première étape. Et qui plus est, on en parle sporadiquement, mais le petit gadget sans fil que j'ai, mon téléphone intelligent, je l'amène au travail. Je veux qu'il soit sur mes réseaux d'entreprise. Je veux pouvoir l'utiliser sur les réseaux dans les restaurants, dans les hôtels, comme tu le mentionnais. Je veux pouvoir l'utiliser à la maison aussi. Donc, ça amène quand même des gros avantages pour mon employeur. Ça amène aussi des inconvénients pour les gestionnaires de sécurité de mon employeur. On en parlait justement la semaine dernière. Exactement. Donc, on reste un peu dans la même gamme de préoccupations. Et j'ai décidé, en fait, à partir d'une enquête qui a été réalisée par la firme McKinsey, de dresser, pour commencer, un petit survol des avantages et des défis. On parlera pas d'inconvénients, on va parler de défis plutôt. Alors, côté avantages, en fait, communication, productivité, eh bien, évidemment, pour nos employeurs, le gros avantage de cette révolution mobile, c'est que leurs employés sont désormais accessibles, peut-être même un peu trop. On le mentionne la semaine dernière, il y a une frontière entre vie privée et vie professionnelle qui est en train de disparaître. Par contre, reste que, donc, il y a un accès amélioré au courriel, au calendrier, applications vocales, vidéo, messagerie. Donc, si on l'utilise en communication interne, eh bien, sur les périodes de travail, ça devient extrêmement intéressant. Hors période de travail, pour l'employeur, oui. Pour l'employé, peut-être c'est pas. C'est ça. Ça dépend pour qui. Dans les déplacements aussi, si on envoie quelqu'un en déplacement, donc pour régler une situation, pour faire une intervention dans le cadre du travail, pour se rendre à une rencontre, eh bien, encore là, il peut demeurer productif pendant ce déplacement-là. Et même à un certain degré, quand on délocalise les postes de travail, eh bien, dans des travaux ou dans des tâches, par exemple, on pense à l'accablo distribution, ben si l'employé a un poste de travail délocalisé, qui a juste besoin de revenir au bureau le matin et le soir, ben subitement, ça limite aussi son temps de déplacement, ça maximise son temps de déplacement. Oui, il y a la téléphonie, mais si on est capable de lui donner un poste informatique pour travailler ou accès à différents réseaux pour travailler, ben on rend plus efficace. Donc, vraiment un avantage au niveau de la productivité, au niveau des tâches administratives aussi qui peuvent être faites. On parlait d'un voyage d'affaires. Eh bien, rapidement, on peut intégrer les conclusions. On arrive, on a peu perdu, dans le fond, face à la vie quotidienne de l'entreprise. Donc, ça, évidemment, c'est un grand avantage. Et parallèlement, eh bien, il y a donc un nouveau vecteur aussi pour atteindre les clients. Donc, la mobilité, de manière générale, en entreprise, en organisation, en institution, c'est très bien. C'est très bien reçu, mais évidemment, on le disait, ça entraîne des défis. On ne dit pas des défauts, parce que c'est des défis, on pourra peut-être éventuellement les régler. Donc, on reste positif, c'est bon. On dit défis. Et le grand défi, c'est la sécurité. L'enquête de McKinsey dit que 45% des responsables des réseaux informatiques qui disent que c'est le risque majeur. Quand on parle de mobilité, lors des sauts technologiques précédents, on savait que les organisations étaient en mesure de gérer les risques en fournissant aux employés un appareil unique et sécurisé qui permettait d'accéder aux ressources informatiques de l'entreprise. éventuellement, ces outils-là étaient utilisés pour aller chercher des ressources externes avec l'avènement d'Internet, et on était en mesure, avec des firewalls, des protections, etc., de limiter l'accès aux logiciels malveillants vers le système. Évidemment, avec les appareils mobiles, eh bien, ça étend la portée de l'infrastructure de l'entreprise. C'est que, dans le fond, un appareil qui est utilisé dans le contexte du travail n'est plus seulement limité au contexte du lieu de travail, mais le lieu de travail devient étendu à l'ensemble de la ville, à l'ensemble de la zone de déplacement qui va être réalisée et utilisée par l'employé. Donc, on imagine le défi, et évidemment, c'est donc l'idée de réussir à rendre sécure ces appareils-là dans un contexte où on n'est pas nécessairement en mesure de rendre le réseau sécure, parce qu'on n'a pas de contrôle sur les réseaux qui vont être intégrés, qui vont être utilisés. Donc, il faut vraiment que ça vienne de l'appareil. Comment on peut faire ça? Pour l'instant, on fait appel à la vigilance des utilisateurs parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Et en plus, tout ça, ça coûte cher quand même. Les coûts des appareils et de la connectivité varient, mais on parle donc quand même de montants assez importants là, au niveau quotidien. Donc, ça coûte cher, ce type de réseau-là, ce type d'appareillage-là. Il y a des coûts importants au niveau de sécurité, de surveillance, etc. Donc, ça sera un peu l'élément qui sera à surveiller dans la montée de la mobilité, et même de manière générale, je dirais, s'il y a un facteur qui va ralentir l'intégration de ces appareils-là en entreprise, ça va être la sécurité. Carrément. Maintenant, tu nous parlais des villes tout à l'heure, encore une fois, il y a d'autres défis. Ben oui, mais encore faut-il pouvoir aussi l'offrir. On parlait de sans fil. Donc, tout le monde a des appareils mobiles. Tout le monde s'attend à pouvoir avoir accès partout au web. Donc, on les a. On veut les utiliser en entreprise malgré les défis que ça représente. On veut l'utiliser partout. Et donc, pour les villes, l'autre défi, c'est celui des réseaux. C'est d'offrir des réseaux qui sont assez forts, assez fiables, d'avoir une infrastructure qui est présente. Oui, au niveau donc de réseaux satellitaires ou autres, mais au niveau peut-être de fibre optique également. Donc, ça risque également d'engendrer des coûts. Si on va avoir un réseau qui est fiable et qui est étendu, ce n'est pas gratuit, évidemment. Alors, il faut qu'il y ait cette infrastructure-là qui soit en place et qui puisse être en mesure de supporter l'utilisation que les gens vont faire du réseau. Et ça non plus, c'est pas facile. Mais c'est drôle parce que c'est pas gratuit pour que ce soit gratuit pour tout le monde, mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. En gros, là, c'est pas mal ça. Exactement. Il y a quelqu'un qui paye à quelque part. Oui, nécessairement. Ça c'est certain. Et en même temps, la demande est tellement présente. Tu le mentionnais en entrée de jeu, Tania, quand tu disais, mais dans les hôtels, on s'attend justement à ce que y ait Internet. Est-ce qu'Internet soit gratuit? Ça reste que c'est pas donné d'avoir Internet gratuit partout. Et parallèlement, c'est pas donné encore pour l'instant d'avoir Internet partout, mais de plus en plus. J'suis tombé sur un article en fait de magazine qui s'appelle Cita, qui dit notamment qu'il y a de l'Internet Wi-Fi, de l'Internet sans fil, vraiment à des endroits où on ne s'y attendrait pas. Et c'est assez surprenant. Je donne deux exemples extrêmement frappants et ça va donner vraiment aux auditeurs, auditrices, l'ampleur de l'utilisation et de la demande qui est faite sur Internet. Attends, je suis presque inquiète, là. Vas-y. Exemple, mettons que tu es extrêmement riche. C'est pas négatif. Non. Et que tu décides d'aller dans l'espace. Eh bien, avec Virgin Galactic, qui est la compagnie qui propose des vols suborbitaux commerciaux, ça coûte à peu près quoi, 30 000 $, 20 000 euros pour y aller. Eh bien, pour aller dans l'espace, évidemment, ils t'enlèvent pas ta connexion Internet. Tu peux avoir Internet dans l'espace. Ben, 30 000 $, j'espère. Oui, j'espère qu'au moins Internet est fourni. Et évidemment, tu peux tweeter ton voyage avec ça. Et sinon, si on se limite à la Terre, reste que si tu décides un jour d'aller monter l'Everest, eh bien, tu peux tweeter ta montée de l'Everest également en direct. Il y a Internet sur l'Everest. Dis-moi pas que l'Everest est Wi-Fi. L'Everest est Wi-Fi. Aïe, aïe, aïe. Le plus haut hotspot Wi-Fi, donc le plus haut hotspot sans fil localisé, il est à peu près à 5100 mètres d'altitude. Et en fait, c'est une compagnie suédoise de téléphone qui a mis donc plein de hotspots sans fil un peu partout là, pendant la montée. Moi, ça m'a enlevé un peu de l'exotisme de monter l'Everest, de savoir que c'était Wi-Fi, mais bon, on en est rendu là. C'est fréquenté, les gens s'attendent, parce que c'est fréquenté, à avoir accès au service Wi-Fi, même quand on part dans ce qu'on peut percevoir comme étant des aventures extrêmement exotiques, on veut le faire avec le Wi-Fi. Donc dans cette perspective-là, ça veut dire que c'est extrêmement répandu. Si c'est rendu à l'Everest, c'est qu'on s'y attend partout. Ça facilite l'expérience de voyage, ça facilite la liberté de passage, la liberté de déplacement, ça simplifie la vie aussi au niveau du calcul de coûts, exemple, avec le 3G versus le sans-fil. Donc, il y a que des avantages au bout du compte à le rendre accessible. Évidemment, dans la mesure où on est capable, comme on disait tout à l'heure, de subvenir aux coûts associés aux infrastructures. Oui, parce que l'offrir gratuitement, quand même, il y a encore des défis, c'est le mot du jour. Oui, il y a encore des défis, et même en fait, c'est qu'il y a des gens qui voient qu'il y a une demande de la part des clients pour utiliser du sans fil. Et qu'il y a certaines gens qui vont calculer que c'est peut-être moins cher d'utiliser un service sans fil payant plutôt que d'utiliser sa 3G si c'est à distance, compte tenu des forfaits et du prix élevé de forfaits internationaux qui sont offerts par les différentes compagnies de téléphonie. Et donc, ce qui fait que tranquillement, on voit des chaînes hôtelières qui remarquent que la hausse de demande est importante et qui décident de rendre payant la connexion sans fil, donc de l'intégrer avec un coût léger, mais tu sais, tu coches la petite case sans fil, ça te coûte 1$, 2$, 3$. Mais à coût de dollars, de 2$, 3$, ben, par jour, ben, ça finit par augmenter. Ça finit par représenter quand même un nombre assez important d'argent, de dollars qui est généré. Donc, c'est un exemple. On voit que c'est pas encore nécessairement généralisé, mais reste que il y a cette tendance-là également qui commence à germer. Et évidemment, parallèlement, il y a les utilisateurs qui disent, ben, on commence à être habitué que ce soit gratuit, que ce soit un service intégré. Alors, est-ce que c'est possible aussi de le garder gratuit et de le garder intégré? Alors ça, ce sera les deux axes qui vont probablement s'entrechoquer aussi dans la gestion du Wi-Fi. Donc, les coûts sont importants, la demande est importante. Il y a un produit à offrir, il y a une demande pour ce produit-là. Est-ce qu'il devrait être gratuit? Est-ce qu'il devrait être gratuit dans la ville? Mais quand on parle de commerce qui a une certaine gratuité, évidemment, si on le rend gratuit dans la ville, les réseaux citadins vont rentrer sur les réseaux hôteliers ou commerciaux. Donc, il y a quand même beaucoup de réflexions à avoir sur le développement de cette structure-là et sur qui aussi, au final, aura à payer la facture que représente cette infrastructure-là. Et parallèlement, au niveau de la recherche, puisque nous, à l'ITIS, on est un peu en recherche, ben, c'est de voir aussi comment on peut développer des matériaux. Exemple, on parlait de fibre optique tout à l'heure. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus au Centre d'optique photonique et laser. Comment développer des fibres optiques plus performantes qui sont capables de stocker plus d'informations et qui peut-être aussi vont être moins chères au niveau production. Donc, encore une fois, beaucoup de questions. Bref, ça évolue très vite, mais ça n'a pas terminé d'évoluer. C'est ce qui est assez particulier. Et en terminant, Raymond, le temps de parler d'un autre sujet. On sait que Québec était dans la nomination pour les villes les plus intelligentes au monde. Et on sait que Québec est d'ailleurs très présente sur les réseaux sociaux. Très présente. Et en fait, il y a une étude qui a été faite par des spécialistes des communications, une firme montréalaise, qui a essayé d'analyser la présence web des villes et qui s'est rendu compte que sur le web, les villes sont des marques parfois plus fortes que des marques commerciales qui sont quand même bien établies. Et notamment, en fait, les auteurs de l'étude ont compté les réactions qui étaient suscitées sur les pages Facebook des villes, les réactions des abonnés au compte Twitter également des villes de mai à octobre l'année dernière, en fait. Et ils ont remarqué que la ville de Québec se positionnait quand même très bien. Ils l'ont classée deuxième, juste derrière Gatineau, en matière justement d'utilisation et d'animation des comptes. Gatineau qui est quand même aussi assez active. Ils ont une ouverture des données qui est en cours de ce côté-là, avec Ottawa aussi dans les environs qui sont assez proactifs au niveau des développements web. Québec l'est aussi, on l'a vu avec le top 7, notamment des villes intelligentes dans lesquelles la ville s'était retrouvée. Alors, ben voilà, donc une bonne présence 2.0 pour la ville. Et même quand on dit globalement, là, on parle d'une croissance de 113% pour les villes en général et les citoyens dans l'utilisation des nouveaux médias, des réseaux sociaux pour communiquer avec les villes, pour poser des questions, pour réagir, pour intervenir, pour proposer, quand même une hausse de 113% annuellement. Donc, c'est beaucoup. Et là-dedans, ben, la Ville de Québec se place encore de manière assez positive. Mais juste pour les alertes au déneigement, là, ça vaut la peine. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, je rappelle aux gens, s'ils veulent plus d'informations, votre site Internet, toujours une bonne source. Oui, itis.ulaval.ca. Et on retrouve aussi les chroniques qu'on fait ensemble dans Change de disque. Tu es chargé de communication à l'Institut technologie de l'information et société.